Est-ce important ou utile d'aller dans la nature pour faciliter l'ouverture du troisième œil? Important, c'est rien d'important. Utile, oui. Utile. L'important, c'est quand émotivement, on s'attache à des choses utiles ou inutiles. Utilisables ou inutilisables. C'est émotif. Dans la nature. Nous sommes dans la nature. Bon, je pense que la question se portait plus sur la nature, les montagnes, les lacs, les... J'imagine. Pas la nature du centre-ville. Premièrement, l'avantage qu'il y a d'être dans la nature, c'est qu'il y a moins de tentatives de l'ego de s'exprimer régulièrement, étant donné que la nature est beaucoup plus calme. Premièrement, par l'onde de forme plus verdoyant, ça va aider. Le bleu, d'ailleurs, ça calme l'ego, le vert aussi. Ce sont des couleurs auriques, des couleurs de l'aura qui instruisent l'ego. Quand un être humain a une aura qui est relativement vert ou relativement bleu, ce sont des auras qui ne sont pas belligérants, ce sont des auras qui sont soit de guide, de professeur, d'instituteur, de médecin, de guérisseur. Et lorsque l'ego va dans la nature, ou lorsqu'il regarde la mer, ou lorsqu'il regarde un ciel bleu, les auras, donc la couleur qu'il perçoit lui, traduit inconsciemment chez lui une vision d'un aura de même couleur. Donc, il a l'impression de regarder un ego qui émet ce genre de couleur. Donc, un ego qui est bien, qui est calme, qui est aidant, qui est salvateur, etc. C'est pourquoi l'ego se trouve extrêmement calmé dans la nature, qu'elle soit bleue ou qu'elle soit verte. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que lorsque l'être humain se promène avec un troisième œil ouvert, un troisième œil qui est astralisé, donc un œil dans le monde de la mort, lorsqu'il se promène dans la forêt, nécessairement, il risque pas, mais il a de fortes chances de rencontrer, de voir pour la première fois des gnomes. Il aura l'impression de les rencontrer, mais il les verra simplement, des farfadets, des lutins, enfin des choses en genre, des hobbits. Il verra ce que les rosicruciens appellent les esprits de la nature, et il aura accès à quelque chose d'assez intéressant, c'est que les animaux le fuiront moins. Celui qui a une ouverture en cours ou qui a un œil, un troisième œil ouvert, dans le contexte astral, les animaux vont moins le fuir. Pourquoi? Parce que l'animal, lorsque l'être humain a un troisième œil en ouverture ou un troisième œil ouvert dans la nature, il voit l'aura. Voyant l'aura, il colore de par son ego tout ce qu'il voit. Et colorant tout ce qu'il voit, il devient le maître de ce qu'il voit. C'est-à-dire qu'il colore les forces vitales qui émettent les couleurs de l'aura. Donc, il devient un obligateur d'exécution au niveau des forces telluriques, des forces yéniques, des forces belzébutiennes, qui sont les forces vitales de la nature. Et les animaux deviennent immédiatement beaucoup plus amadoués lorsqu'il y a présence d'un individu qui a un troisième œil ouvert, parce que l'individu, voyant les animaux d'une façon un peu plus neuve, plus belle, plus pure, a immédiatement, il y a une coloration de l'ego, il y a immédiatement une tentative de l'ego de coloration, étant donné que les animaux ont une âme extrêmement faible, une âme extrêmement élémentaire, ils sont colorés et ils perdent cette peur, cette crainte du prédateur que pourrait être l'homme, ou encore cette crainte du neuf que peut être l'homme. Et les animaux ont donc une plus grande tendance à ne pas donner l'alerte. Ils vont continuer à chanter plutôt que de commencer à crier, et une plus petite tendance à fuir. Celui qui a une ouverture dans le contexte supramental, les animaux ne fuient pas, et les animaux viennent carrément le voir. Bon. Qu'est-ce qui les attire? Ce qui les attire, c'est le rayonnement de l'humain, c'est-à-dire que l'animal vient simplement se nourrir. L'animal n'a pas conscience qu'il s'approche d'un être humain qui est un dieu pour eux. Les animaux ne fuient pas, ils se sentent simplement extrêmement bien. Et dans ce contexte où ils sont extrêmement bien, les parties de l'énergie ou de l'intelligence qui s'expriment dans l'animal retrouvent là des prémices du passé. L'animal se sent totalement sécurisé, alors il vient simplement s'abreuver énergétiquement, il se colle. Y a-t-il une utilité à se servir de la vision du troisième œil pour, il y a deux questions, éduquer ou bien vivre avec ses enfants, premièrement? Oui, ma fille me dit souvent quand elle me compte des menteries, puis bon, quand elle me dit quelque chose, puis moi je lui dis ça, c'est pas vrai. Elle dit oui, c'est vrai, regarde dans ma tête. Alors effectivement, il y a une utilité à pouvoir avoir un troisième œil pour éduquer ses enfants. Une utilité ou un inconvénient? Quand tu vois tout ce qu'ils ont fait, des fois. Le troisième œil astral. Premièrement, un être humain peut développer une vision le troisième œil dans le monde de la mort et dans le plan supramental. Comme tout à l'heure, on l'a vu, celui qui travaille uniquement dans le monde de la mort va avoir de la difficulté à lire dans le plan supramental. Donc, il aura une conscience de disciple, mais il n'aura jamais une conscience de maître. Celui qui développe une conscience dans le plan supramental, donc il ouvre son troisième œil en direction d'un œuf du monde supramental, d'ailleurs de l'avenir, celui-là a une conscience de maître qui se développe. Il devient son seul maître. Et lentement, devenant son seul maître, il a la capacité de donner des ordres aux forces astrales. Donc, c'est une autorité mentale dans l'astral qui va se développer chez lui. Et nécessairement, de donner des ordres au niveau belzébuthien, donc au niveau vital. Et il aura donc la capacité aussi, à la longue, de pouvoir jouer avec la matière. Comme les Tibétains faisaient de la lévitation, l'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant totalement nouveau, pourra aussi faire de la lévitation. Ça l'évitera d'avoir à prendre l'avion. Bon. Maintenant, lorsque l'individu a troisième œil ouvert dans la conscience prémentale, il peut n'importe quand ouvrir son œil, braquer son œil dans la conscience astrale. Donc, il peut non seulement connaître ce que l'astrologue ne peut pas connaître, mais il peut savoir exactement ce qu'on a dit à l'astrologue. L'astrologue, il pense qu'il a lu quelque chose, mais c'est l'astral qui vient l'informer ou le désinformer. Il a accès à ce genre de choses. Au niveau de l'éducation des enfants, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il est capable, celui qui a un troisième œil ouvert dans le contexte supramental, quand je fais des conférences ou encore les séminaires, il y a deux séminaires que je donne qui permettent l'ouverture totale de ce troisième œil qui est justement le contact avec son ajusteur de pensée et par la suite rendre opérationnel l'ajusteur de pensée, donc le contrôle de l'ajusteur de pensée. L'individu qui met en application régulièrement ce genre de choses finit nécessairement par avoir un contact supramental qui va lui amener du neuf. Le neuf qu'il aura besoin de savoir lorsque ce sera nécessaire qu'il le sache. L'avantage qu'il a, il est capable de voir exactement lorsqu'il est suffisamment réchauffé, donc lorsque son ego décide de se paradisier, lorsque l'ego le quitte, il a une âme suffisamment pure pour que voir la coloration réelle, premièrement, du corps physique de ses enfants, premièrement, donc lui, deuxièmement, de son corps vital, troisièmement, de la psychologie, donc de l'âme, c'est-à-dire de l'anti-homme qui habite son enfant. Et c'est l'anti-homme qui travaille l'involution, la collectivisation et la stagnation. Alors, il sera capable de connaître les mécaniques. Selon la couleur, il pourra lire totalement l'anti-homme. Et il pourra, par la suite, parce qu'il a un œil ouvert au niveau du plan supramental, il sera capable d'entrer en contact avec l'ajusteur de pensée de l'enfant. Entrant en contact avec l'ajusteur de pensée de l'enfant, il sera capable de donner l'information énergétique qu'a besoin l'ajusteur de pensée de l'enfant pour informer le mental de l'enfant, pour que le mental instruise l'ego de l'enfant. Donc, l'enfant n'aura pas l'impression que le parent le moralise. D'intelligence à intelligence, et si l'enfant est encore un peu jeune ou si son ajusteur n'est pas déployé, l'enfant sera capable d'accepter quand même le contact avec l'adulte, parce que l'adulte communiquera par l'ajusteur de pensée de l'enfant, le déploiera, le nourrira, l'ajusteur va informer le mental, et l'enfant cheminera dans sa propre conscience vers l'intelligence de l'adulte. On parle d'un adulte intelligent, évidemment, non pas d'un adulte intellectuel uniquement. Et là, le mental de l'enfant va instruire l'anti-homme, l'ego, d'une transformation. Au niveau d'éducation, l'enfant devient son seul maître et il s'abreuve simplement là où il doit s'abreuver. Autrement dit, au lieu de prendre de l'eau dans la jambe pour la transporter dans l'autre jambe, tu lui donnes de l'eau à boire, alors l'enfant va boire de l'eau et le corps va lui-même s'arranger pour placer l'eau là où il en a besoin. C'est la même façon, tu donneras de l'énergie à l'enfant. Par l'ouverture du troisième œil, tu seras capable de connaître les paramètres de l'ajusteur de pensée du jeune. Donc, tu pourras travailler avec son ajusteur de pensée. En même temps, tu sauras quelle information lui donner pour que celui-ci puisse travailler son anti-homme. C'est de l'éducation libératrice, comparativement à l'éducation traditionnelle, qui est une éducation d'intégration. Y a-t-il une utilité à servir de la vision du troisième œil? Toujours la même question, mais dans un autre contexte. Pour faire de l'argent et pour rendre la vie plus agréable. Bon. A. B. Faire de l'argent et rendre sa vie plus agréable. L'être humain doit tout faire pour monnayer son intelligence. Monnayer son intelligence veut dire matérialiser suffisamment l'intelligence qui l'habite de façon à se libérer des contraintes de la matière. L'être humain qui monnaie son intelligence doit viser deux objectifs. Je vais éternuer. Éternuer, pas. Oui. Ah! J'étais sûr que je n'étais pas éternué, alors voilà, j'ai éternué pareil. Voilà. L'être humain doit monnayer son intelligence pour atteindre deux objectifs. Le premier, avoir de l'argent. Le deuxième, avoir du temps. Et comme j'expliquais à un moment donné dans un séminaire, là où il y a l'argent sur la planète, il n'y a pas de temps. C'est là qu'on a les gens les plus pressés. Et là, sur la planète où il y a beaucoup de temps, c'est là qu'on a les plus pauvres. Il n'y a pas d'argent. L'intelligence doit amener les deux. Celui qui développe son troisième œil va nécessairement s'en servir pour faire de l'argent. Nécessairement. Qu'il le développe dans l'astral ou qu'il le développe dans le supramental, s'il le développe dans l'astral, peut-être, s'il est trop faible psychologiquement, il sera subjugué par l'idée que lorsqu'on a un don, on le partage. Si vous aimez les rapaces, partagez-le. Vous allez vous-même vous voler et à un moment donné, vous le perdrez. Alors que s'il a une ouverture du troisième œil dans le plan supramental, nécessairement, il le monnaiera. Le monnayer ne veut pas dire que lorsqu'un individu en a implicitement besoin, lorsque votre présence ou votre servitude pourrait aider, pas juste l'individu, aider l'humain, bien, il n'est pas question de finance. Ça reste un monnaiement. Je le fais parce que ça me rapporte. Mais de toute façon, l'évolution de l'individu doit passer par la finance. Sinon, ça donne quoi? Ça donne que nous devons nous faire subventionner. Ce sont des dons que nous recevons. Nous allons nous assujettir karmiquement d'une façon très désastreuse. Et en plus, c'est exactement comme si nous devons dire, parce que moi, je fais le bien, ben les trous de cul qui ont de l'argent, qui m'en donnent. Mais les trous de cul qui ont de l'argent, s'ils se mettent tous à vouloir faire le bien comme ça, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il n'y a que le bien sur la planète, la pauvreté, la maladie et l'hécatombe. Sinon, quelqu'un, quelque part, devra penser à coordonner la gestion planétaire de la matière, donc de l'argent. Et pour le spiritualiste, c'est le trou de cul. C'est le vil homme d'affaires, la vil femme d'affaires. L'intelligent, celui qui ouvre son troisième œil, nécessairement deviendra aristocrate, réincarnera des mémoires d'aristocrate, comme on l'a vu la semaine dernière, et nécessairement monnaiera. Le troisième œil, il y a des individus que je forme présentement qui vont de toute façon se servir de ce troisième œil dans le plan supramental, dans le but de nous permettre d'instaurer un contexte d'affaires, donc dans la matière, qui, présentement, le contexte d'affaires qui est déjà instauré a de la difficulté à suivre les lois. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore assujetti aux lois de l'intelligence et il est de plus en plus assujetti aux lois de l'astral. C'est-à-dire, imaginez que vous êtes un être humain pauvre. Et lorsque vous êtes pauvre, vous êtes régi par les lois des pauvres. Alors, vous n'avez pas le droit de rentrer dans tel restaurant, d'aller quelque part, vous rentrez au gouvernement pour vous plaindre. C'est un pauvre. Vous plaindre un paquet de monde avant d'arriver à vous plaindre à quelqu'un qu'il faut. Vous êtes pauvre. J'ai fait une expérience, moi. J'ai acheté des gratteux, des billets pour voir qui gagnait, des petits gratteux. J'en ai acheté à Saint-Henri, j'en ai acheté à Westmonde. On gagne plus souvent quand on les achète à Westmonde. Est-ce que c'est fait volontairement? Je suis certaine, c'est que l'argent va vers la richesse. Et à Westmonde, il y a plus de riches. Tu vas acheter des billets là, ça gagne plus souvent que si tu achètes des gratteux dans les régions où c'est les pauvres. Puis ils ne valent pas plus cher. Je bon. Paye le même prix, c'est pas vrai. Même prix, mais c'est plaisant. Une idée. L'être humain, il est pauvre, au niveau évolutif. Et lorsqu'il évolue, il arrive à un moment donné où il commence à s'enrichir. Mais il reste pauvre. Les pauvres commencent à trouver que, ah, ben toi, il est moins payé, il y a une télévision en noir et blanc. Tu sais, nous n'en pas tout. Une télévision en couleur, tu n'en as qu'une, en noir et blanc. Et à un moment donné, il est juste entre les deux. La problématique, c'est que tous les restaurants de pauvres en veulent plus du riche. Mais tous les restaurants de riches en veulent pas du pauvre. Et ça, c'est le conscientisé. Celui qui n'est pas un martyr de la transition supramentale, mais qui est un martyr pareil. C'est celui qui est entre les deux. Toutes les lois astrales, les lois spirituelles, ne fonctionnent plus. Et il n'est pas encore reconnu par les lois de l'intelligence. Donc, je forme présentement des individus qui auront la capacité d'avoir un œil suffisamment ouvert au niveau de l'intelligence pour être capable de développer dans le contexte actuel une aristocratie d'intelligence, pas un snobisme, une aristocratie d'intelligence, non pas une aristocratie de mimétisme d'intelligence, pour qu'à un moment donné, effectivement, la matière commence à retourner et que les lois de l'intelligence puissent être digérées et appliquées dans la spiritualité matérielle de cette fin du 20e siècle, pour que l'individu puisse arriver à avoir suffisamment d'argent pour avoir suffisamment de matière, et parce que ce n'est pas l'argent qu'il recherche, il aura suffisamment de temps. Et c'est le temps et la liberté matérielle que l'aristocrate supramental doit aller chercher. Celui qui a une vertu du troisième œil doit développer cela et s'en servir. C'est comme si, à un moment donné, vous avez la vision que tel contrat, c'est pas bon, tel contrat, c'est bon. Alors, qu'est-ce que vous vous faites? Vous vous dites, « Ah, mais là, je peux pas me servir de ça, faire de l'argent. » Alors, ça va vous abreuver de pauvre. La différence entre fondre et exploser l'ego. L'explosion de l'ego, c'est ce qui atteint les premiers conscientisés. Donc, les premiers conscientisables. C'est-à-dire qu'ils sont dans la mémoire astralisée de la planète, il y a insuffisamment d'expérience de l'évolution vers le neuf. Il n'y a que de l'expérience de l'évolution vers le vieux, la tradition théologique, historique. Alors, pour qu'un ego, à un moment donné, puisse découvrir qu'il existe autre chose que le passé, que les dieux morts qui ont parlé aux ancêtres et qui ne nous parlent plus jamais, on doit briser l'ego. Alors, une partie du séminaire que je donne est un peu une brisure d'ego. La vie brise l'ego. L'éclatement de l'ego, c'est un danger. J'en ai parlé surtout au niveau des séminaristes, au niveau des conférences spéciales. C'est que l'éclatement de l'ego est une évolution solaire hyper rapide qu'il est préférable de vivre lorsque nous sommes avec d'autres personnes qui peuvent vivre l'initiation solaire rapide. Ce n'est pas une initiation collective. Sauf que, étant donné qu'une partie de ton ego se brise là, mais pas nécessairement chez l'autre, il y a encore une mécanique, un ego, qui peut prédigérer l'information supramentale que tu ne peux plus faire parce que cette partie-là vient de sauter, de façon à reparamétrer l'ego pour éviter que l'individu détruise totalement son corps physique, son système endocrinien, se rende malade énormément ou carrément se suicide. La fonte de l'ego, c'est la négoïsation. C'est ce que moi, je préfère donner. Ça fait partie, donc, dans la formation que je donne, je préfère qu'on passe par la fonte lente de l'ego. Quand je dis lente, c'est rapide. Mais au lieu d'être une explosion où chaque particule va fondre, la différence, c'est que vous prenez un bloc de glace, vous le placez dans un verre d'eau chaude, il va fondre. En égoïsation. Vous prenez un marteau, vous brisez le bloc de glace dans le verre d'eau, il va fondre beaucoup plus vite. Mais vous risquez de casser le verre. Alors, ça prend un verre solide ou ça prend donc un corps physique suffisamment solide. Alors, la différence entre fondre ou exploser l'ego, c'est celle-là. Dans l'explosion, il y a certaines problématiques. Les initiés du passé ou de l'actuel passé ont souvent vécu l'explosion de l'ego. C'est souffrant, dangereux. Plus il y en a qui le vivent, plus il y a de l'information dans le monde de la mort, de la fusion, moins c'est nécessaire de passer par cette facette. C'est comme si on était à 10 années près dans l'évolution. Première chose que l'humain doit faire, devenir immortel. On a déjà expliqué comment, on reviendra là-dessus aussi. Devenir immortel du point de vue de sa conscience lucide, pas du corps physique. Le corps physique, il va l'immortaliser par la suite. Et quand on a réussi ça, c'est par la négoïsation, donc encore une fois, l'ouverture du troisième œil dans le contexte supramental. Mais on n'est plus à 10 années près, et merde. Donc, je risque le tout pour le tout, si ça ne marche pas, je perds. Bien, c'est perdu d'avance. Je vois un mur dans lequel il y a une porte. J'ouvre la porte, je vois une pluie semblable à une chute d'étoiles filantes. Je passe la porte, instantanément, je connais tout sans me poser de questions. La sensation est tellement forte que je referme la porte de peur. Plus rien. Je réouvre encore, même sensation, et tellement puissant que j'ai peur de disparaître et je referme de peur. Qu'est-ce que c'est? Bon, premièrement, la personne, elle a accès... Dans ce contexte-ci, elle a raison. Elle a peur de disparaître, et effectivement, il y a des risques. Elle a accès à un lieu interdit. Présentement, ça va disparaître. Elle a accès à... Dans sa conscience, elle a accès à une pluralisation de densification de différents plans, qu'on appelle des mondes parallèles. Et ayant accès à cela, lorsqu'elle ouvre, elle voit de l'énergie, elle voit un paquet d'événements passer en même temps. Alors évidemment, son ego essaie de décortiquer mentalement ce que c'est, et elle projette une explication, des étoiles filantes, des choses comme ça. Elle peut être engouffrée, effectivement, donc elle peut se ramasser ailleurs. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement cela. Lorsqu'un ego, et elle a peur, ben c'est normal, les égos ont peur de ce genre de choses. Lorsque l'humain va ouvrir son troisième œil, ce ne sera pas comme cela. il aura la même peur, mais ce ne sera pas de la même façon. On n'a pas, lorsqu'on ouvre le troisième œil, lorsqu'on travaille son ajusteur de pensée, parce que l'ajusteur de pensée, c'est le troisième œil. Il peut être braqué sur le canal réincarnationnel, donc sur le monde de la mort, il peut être braqué sur l'intelligence supramentale. Lorsque l'humain l'ouvre, évolutivement, il n'a pas la même capacité de le fermer. À un point qu'à un moment donné, l'ajusteur de pensée donne trop d'informations à la conscience de l'ego parce que l'ajusteur de pensée est un ajusteur non expérimenté. Et ça peut nuire. Bon, les individus qui le font avec moi, ça ne leur nuit que lorsque ils ne viennent pas m'en parler. Ils n'ont qu'à discuter avec d'autres personnes qui ont un ajusteur de pensée fonctionnel, puis ça se place. Bon, ça revient, puis ça se place, ça revient, puis ça se place. Puis à un moment donné, on finit par le contrôler. Donc, on le ferme lorsque l'on veut comme une paupière. Sauf que dans le début, ce n'est pas le cas. La personne ferme la porte, c'est qu'elle a présentement un contact astralisé. C'est l'ego qui observe. Et l'ego observant ne peut pas décoder l'information, il ne peut que colorer l'information. Colorant l'information, c'est les impressions que l'individu a connues. C'est tellement puissant que j'ai peur de disparaître. Ben, effectivement, c'est assez puissant que vous pouvez disparaître. Disparaître physiquement, ça arrive. On a parlé des combustions spontanées, mais on a parlé aussi de d'autres choses à un moment donné. Mais c'est surtout au niveau de, c'est surtout disparaître astralement, égoïquement. Alors, il peut y avoir une transformation radicale de l'individu. C'est pourquoi l'individu doit procéder avec modération. À quoi sert l'énergie dégagée par le chiffre 6 employée à toutes les sauces politiques ou autres? Bien, le chiffre 6, comme tous les chiffres, d'ailleurs, c'est une symbolique initiatique archétypale qui ramène les vieux égrégores du passé dans le but de contrôler totalement l'évolution sociale. Cela est relié à la mécanique archangélique, c'est-à-dire l'évolution traditionnelle des masses. Le chiffre 6 peut être représenté dans la matière par une étoile à 6 branches. Une étoile à 3 branches ou un triangle, ça symbolise le feu lorsque la pointe est perdue vers le haut. Le feu, traditionnellement, symbolise la lumière symbolisant la sécurité, l'information, la connaissance ou l'intelligence. Et le triangle à l'envers symbolise une coupe. La coupe ramasse l'eau. L'eau, c'est ce qui éteint le feu. Donc, ça symbolisera l'ignorance, le négativisme, etc. Le triangle négatif sur le triangle positif va donner 3 plus 3, 6. Va donc symboliser l'intelligence sur l'inintelligence ou encore l'idée positive sur l'idée négative, donc la réflexion. Le chiffre 6 symbolise donc la réflexion. Au niveau de l'étoile de David, c'était la réflexion. Demander un cœur intelligent. Au niveau de plusieurs autres phénomènes, ça reste la réflexion. Tu peux réfléchir pour détruire, tu peux réfléchir pour construire. Par contre, le symbole de la force de frappe de la matière, la tête qui contrôle les quatre membres, ou la tête ou l'homme contrôlant les quatre éléments, l'air, la terre, l'eau et le feu, c'est le chiffre 5, c'est l'étoile à 5 branches, que l'on retrouve aussi sur les puissances militaires qui ont vaincu toutes les puissances militaires du passé. La croix gammée est un phénomène à quatre côtés qui, braqué vers l'arrière, instruit destruction par les quatre éléments. L'étoile à 5 branches, l'étoile soviétique, chinoise ou américaine, c'est le contrôle. Ça va être supplanté à un moment donné par un autre phénomène qui va être le chiffre 6. On a eu le chiffre 4, en tout cas, on pourra en parler longtemps. La tradition, j'en parle parce que c'est une mécanique astralisée. Moi, ça ne m'intéresse absolument pas, ce genre de phénomène traditionnel, pour la simple raison que ça n'est pas tributaire de l'intelligence, tributaire de la mémoire astralisée de l'histoire de l'humanité. Et un être humain qui a un iota d'intelligence est capable de surpasser ce genre de phénomène. N'empêche qu'au niveau des troupeaux, au niveau des masses sociales, la symbolique reste extrêmement fonctionnelle. Elle attire les égrégores et le chiffre 6, c'est un phénomène de réflexion qui peut servir à A ou Z. Quelqu'un qui trouve le temps court vieillit-il moins vite physiquement que celui qui trouve le temps long? Celui qui trouve le temps long et qui ne s'en plaint pas ne vieillit pas rapidement. Celui qui trouve le temps court et qui ne s'en plaint pas ne vieillit pas rapidement. Celui qui se plaint de l'un ou de l'autre vieillit rapidement. Les 7 chakras versus l'évolution de chacun d'eux, exemple le troisième œil. Bon, il y a 7 carrefours d'énergie principaux, il y en a 63 secondaires. et puis il y en a quelques milliers de tertiaires. On doit faire attention avec les chakras. Bon, un carrefour d'énergie, qu'est-ce que c'est? Dans mon langage, un chakra, ce n'est pas un centre d'énergie, c'est un carrefour d'énergie. Il y a à l'intérieur de l'homme différents canaux, des méridiens, dans lesquels circule de l'énergie. Si un méridien circule dans ma main et qu'il passe de droite à gauche et qu'il passe du bas vers le haut, donc j'ai deux méridiens qui se croisent, c'est un carrefour d'énergie. Celui qui développe la vision de son troisième œil va voir ses méridiens. La problématique, c'est que lorsque deux méridiens, comme deux fils électriques, lorsqu'il y a une énergie qui circule dans les méridiens, comme dans les fils électriques, il y a un champ électromagnétique qui est dégagé. C'est l'aura. L'aura, elle peut être électromagnétique comme elle peut être vitale. C'est donc l'aura. Si nous approchons deux conducteurs électriques ensemble, les champs électromagnétiques vont se perturber. Lorsque nous approchons deux méridiens ensemble et qu'ils se croisent, les champs électromagnétiques se perturbent. Se perturbant, il y aura un gonflement près de la croisée. Celui qui ne comprend pas cette mécanique, et traditionnellement, on ne la comprend pas tout à fait non plus, et qui voit l'aura, aura l'impression, lorsqu'il voit deux méridiens se croiser, il aura l'impression de voir comme une espèce de fleur. Il verra des pétales. C'est les excroissances énergétiques. Étant donné que le méridien circule par vagues, alors ça vient par là, ça passe par ici, l'autre vient et passe par là, il peut avoir l'impression de voir alternativement la circulation de ces excroissances vitales. Alors, il aurait l'impression de voir tourner la fleur. Lorsque l'évolution circule dans un autre sens, la fleur tourne dans l'autre sens. Donc, au niveau de la tradition, on dit qu'un chakra fermé tourne dans un sens, ouvert dans l'autre sens. Mais toute l'évolution du passé a été faite, les évolutions tantriques, entre autres, et les autres évolutions, toutes les techniques du passé sont des techniques qui sont inutilisables pour l'homme nouveau, pour la femme nouvelle, pour l'enfant nouveau, donc pour l'homme aujourd'hui, et la femme aujourd'hui. Le yoga, les méditations du passé, les techniques du passé ne servent qu'à ramener l'humain dans le passé et le faire circuler dans les visions du passé, qui peuvent être extraordinairement belles, mais qui ne sont pas neuves, qui ne sont pas évolutives, qui sont stagnantes. Lorsque l'être humain a une évolution qui se fait du bas vers le haut, les centres d'énergie tournent dans un sens. Dans l'Antiquité, les centres d'énergie, c'est-à-dire que les méridiens étaient en croissance, il n'y avait à peu près rien qui circulait là-dedans, alors ça y allait d'un bord puis de l'autre, il n'y a pas de rotation plus ou moins visible. Dans l'évolution du passé, du bas vers le haut, les centres d'énergie ont été ouverts, réveillés, et nécessairement ça donne l'illusion au voyant, donc celui qui a un troisième œil d'ouvert, que ces fleurs tournent dans un sens. Lorsque l'intelligence supramentale, qui elle provient d'un phénomène extraterrestriel de notre planète, lorsque cela pénètre de l'extérieur et que ça descend de la tête vers les pieds, les centres d'énergie, lentement, l'énergie circule dans le sens inverse et le voyeur a l'impression de les voir tourner dans l'autre sens. Et il dira donc que le chakra est ouvert. Le chakra est ouvert à l'instant où il y a de l'énergie qui circule dedans et il devient de plus en plus assujetti au mental lorsqu'il circule dans l'autre sens. Mais l'évolution d'aujourd'hui se fait de la tête vers les pieds. Alors, l'évolution de chacun des chakras, alors quand on parle du troisième œil ici, c'est l'ouverture du chakra du troisième œil, qui, dans un sens, connecte l'humain au monde de la mort, et dans l'autre sens, connecte l'humain au plan supramental. On va tous devenir des pieds? Non, des têtes. Là, c'est les pieds qui nous dirigent. Veux-tu parler de la toile qui protège la pinéole? Est-ce réel que seule la chaleur du corps physique est vitale, égale à la chaleur qui se trouve de l'autre côté de cette toile protectrice du corps physique? Cette chaleur égale seulement peut percer cette toile et donner accès à l'énergie supramentale. Bon. La réponse à la question, veux-tu parler de la... Oui, je veux en parler. Voilà. Attendez ça. Est-ce réel que seule la chaleur du corps physique est vitale? Non, parce qu'une chaleur qui provient d'un incendie peut faire la même chose, puis une irradiation massive peut aussi déchirer. La glande elle-même, elle est... Bon, c'est une glande qui est enveloppée de tissu cutané, premièrement, extrêmement mince. Et alchimiquement parlant, l'alchimiste travaille sur la dissolution ou l'alchimisation, donc la mutation, le déchirement d'un voile qui est cette cutanéité qui entoure la glande pinéale et qui, à un moment donné, semble restreindre ses sécrétions endocriniennes, donc les sécrétions vers l'extérieur. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'évolution de l'homme, de toute façon, va obliger la glande pinéale à se remettre en fonction, alors que l'être humain qui développe un contrôle, une perception, une conscience mentale de ce qui se passe dans l'âme, donc de ce qui se passe dans l'évolution. Et pour connaître mentalement ce qui se passe dans l'évolution, l'homme n'a qu'à lire ce qui se passe dans son, n'a qu'à lire ce qui se passe dans son corps physique. Nécessairement, plus l'être humain mentalement désassujettit le corps physique de l'astral, plus il oblige l'évolution de la glande pinéale, parce que la glande pinéale sera ce qui reliera énergétiquement, donc biologiquement, ce sera le récepteur, le relieur, la partie biologique ou planétaire d'un corps physique qui aura comme correspondance dans le plan vital ce qu'on va appeler le chakra coronal et dans le plan supramental un troisième cerveau qui finalement est le dôme éthérique. Alors que la glande hypophyse, elle est reliée à l'astral, c'est-à-dire est reliée à l'âme. Et on a évidemment le centre laryngé qui va être relié à d'autres phénomènes. Et on a un paquet on a quelques milliers de petits carrefours d'énergie reliés à des mécaniques vitales qui relient l'homme au monde de la mort. Alors que le centre coronal, donc la glande pinéale, sera le seul centre qui reliera l'homme au plan supramental si l'être humain a la capacité mentale, et il l'a présentement, si l'être humain a la capacité mentale d'être lucidement conscient de ce qui se passe, pas de ce qu'il fait, de ce qui se passe. Alors que l'on sache, bon, la chaleur humaine, non, il y a d'autres formes de chaleur qui peuvent détruire ce voile, sauf que l'énergification, ce n'est pas une chaleur calorique, c'est une chaleur énergétique, la vibration de certains neurones va changer, et il y a donc, on peut parler d'un déchirement du voile relié alchimiquement à la chaleur du corps de l'homme, ou de sa conscience, mais quand on parle, là, ce sont des termes beaucoup plus alchimiques, et ce sont des termes donc colorés spirituellement, ce sont des termes qui sont justes, mais qui peuvent facilement être faussés. On parle de chaleur, mais la chaleur, c'est beaucoup de choses. Ça peut être plusieurs phénomènes. J'étais près de la mort et j'ai vu une lumière tellement belle que je m'en souviendrai toute ma vie. Est-ce par le troisième œil que ce phénomène est arrivé? Non. Elle va même s'en souvenir à sa mort. Alors, très rapidement, parce que j'en ai parlé quand même assez souvent, lorsque l'individu gagne le monde, lorsque le corps physique n'est plus capable de maintenir l'âme gagne le plan moronciel. C'est là qu'on doit créer notre dôme éthérique. On le fait en s'en égoïsant. Et c'est là qu'on devient immortel. Maintenant, lorsque l'âme gagne le monde de la mort, si le corps physique est encore viable, il retient l'âme. L'âme est dans le plan moronciel, plutôt pas dans le monde de la mort. Il est dans le plan moronciel, et là, du monde de la mort, l'énergie qui maintient l'âme en constitution, l'énergie vitale, le périsprit. Le périsprit, lorsque ça touche le monde de la mort, ça se déchire, ça ne gagne pas le monde de la mort, c'est de l'énergie vitale, non pas astrale. La mémoire expérientielle ainsi que l'ego de l'individu gagne le monde de la mort et se dissout là-dedans. Et l'enveloppe périspiritique, c'est de la lumière, c'est de l'énergie vitale. Et c'est ça qui va créer les espèces de guides de lumière, les contextes luminescents qu'un individu dans le plan moronciel voit apparaître. Et c'est normalement ça qui attire l'âme vers le monde de la mort. C'est là que l'homme se fait royalement fourrer. Il meurt une deuxième fois, mais il meurt réellement. C'est-à-dire que sa conscience se dilapide lorsqu'il se réincarne et ne sait plus qui il a été, parce qu'il est plusieurs phénomènes mémoriels réincarnés pluriellement ensemble. Lorsqu'on peut réanimer le corps physique, l'âme qui est là et qui voit ce genre de choses, ben revient dans le corps physique. Lorsque l'être humain a un dôme éthérique, lorsqu'il gagne le monde de la mort, il voit ses lumières, qui est extraordinaire, mais il va voir le dôme éthérique extraordinairement plus extraordinaire que ces cochonneries-là, et il va se diriger vers le dôme éthérique, il ne mourra pas de sa conscience. Ce que l'individu a vu, c'est donc des guides de lumière. Je veux comprendre le phénomène du voyage astral. Est-ce que la conscience, est-ce la conscience qui sort du corps, ou le corps vital, ou une simple projection? C'est une extra-conscientisation astrale. Alors, il y a une conférence que j'ai déjà faite qui s'intitulait « Le voyage astral ». À un moment donné, on pourrait avoir deux heures d'explication sur le phénomène. C'est un canal qui permet à l'être humain de connaître des réincarnations en 24 heures sur 24, de digérer même des individus qu'il a connus qui viennent de décéder, alors il les prend immédiatement. Il a l'impression qu'il, maintenant, il habite chez lui, qu'il est plus proche, il l'oubliera jamais. Il se rappelle même plus que de son vivant, c'est parce qu'il vient de réincarner des parties. Alors, l'individu, lorsqu'il fait un voyage astral, c'est que la grande partie de la lecture de l'ego, qui normalement se fait au niveau du corps physique, surtout du système musculo-oculaire, va se faire tourner vers le canal réincarnationnel. Et moi, je n'appelle donc pas cela un voyage astral, parce qu'il n'y a pas de corps astral qui sort du corps physique de l'homme. Il y a une extra-conscientisation, donc la conscience sort du corps physique et va fouiller, c'est-à-dire que la lecture se fait par le canal réincarnationnel et on fouille dans le monde de la mort. Dans le sommeil, c'est ce qui arrive aussi. Quand un individu voit son corps astral, et là, il dit oui, mais il y a quand même des corps. C'est qu'on peut créer dans le monde de la, dans le monde de la mort, donc dans le monde astral, ce qu'on a besoin de se sentir à l'aise. Lorsque les premiers hiérophantes, donc les Égyptiens, ont commencé à enseigner le voyage astral, les individus ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Alors, on leur disait, c'est un voyage, un voyage, voyage. Donc, ils font un corps, ben, le corps astral, voyage. Alors, les personnes qui font des voyages astraux, souvent, vont voir leur corps voler au-dessus des maisons. Alors, il y a un corps astral. Et moi, ce que j'explique à ceux qui, à un moment donné, suivaient le séminaire sur le voyage astral, c'est que, c'est justement, si tu vois ton corps astral, c'est que tu n'es pas dedans, tarte. Si tu n'es pas dedans, c'est que tu n'as pas besoin d'un corps pour être dans l'astral. Mais tu t'en crées un pour sécuriser ton ego. Tu voyages avec. Mais tu ne voyages pas comme ça. Tu vois ton corps astral, tu te vois voler. Tu te vois tomber, tu te vois éternuer, etc. Alors, c'est une extra-conscientisation astrale. Pour avoir plus d'informations, on peut se référer à la conférence. Quand je me couche, ça pense dans ma tête. Mais à quelques occasions, il y a un certain déphasement où ces pensées viennent librement et s'en vont tout de suite. C'est comme si je les entendais de l'extérieur au lieu de les brasser et de m'y attacher. Ça n'arrive jamais volontairement. Explique ce déphasement. Bon, ce n'est pas un déphasement, c'est plutôt un rephasement. L'être humain est déphasé tout le temps. Il est convaincu que c'est lui qui pense, alors que ça pense dans sa tête. Il est totalement manipulé par sa pensée. Et dans la manipulation par la pensée, on pense en disant « je vais sortir ». L'humain étant convaincu que c'est lui qui vient de dire le mot « je vais sortir », mais vu qu'il ne se considère pas fou, ben il sort. Alors que la pensée aurait pu dire « tiens, tu vas sortir ». Alors là, jamais de la vie. « Ah tiens, je vais sortir ». Ah ben là, crème, je vais sortir. Bon. L'humain sort. Ça n'arrive jamais volontairement pour la simple raison que l'individu, de temps en temps, atteint des phases de vibration mentale qui sont amenées par sa vie, par son évolution, par sa mutation donc, ou par son alimentation, ou par des conditions endoformiques autour de lui, et il est à un niveau juste un peu plus supérieur, un peu plus vibrant que l'état normal, et automatiquement le mental devient le contrôleur. Le mental devient le contrôleur de la conscience, c'est-à-dire que le mental devient l'observateur, donc l'individu se détache de l'astralité de sa vision, donc il devient magnifique, c'est-à-dire que le mental prend un peu plus le contrôle de la vision neuronique, donc la vision physique. Devenant un peu plus magnifique, immédiatement, il est un observateur. Il a donc accès à un troisième œil. Il est en train de l'ouvrir. Bon, étant en train de l'ouvrir, nécessairement, il y a des choses qui apparaissent. C'est involontaire. Et là, il voit subitement quelque chose qui est normalement, c'est lui. Mais là, c'est plus lui. Il commence à discerner. Alors, ça n'arrive jamais volontairement, c'est pas grave, ça va finir par arriver volontairement et l'individu ne fait que constater totalement que ça vient. Vu que l'ego ne s'attache pas à la pensée, il voit les choses défiler et s'il ne veut pas les retenir, elles vont défiler jusqu'à un moment donné où il va possiblement dormir simplement. À quoi ont servi les événements en Chine pour le peuple chinois? Bon. Il y a à chaque fois qu'il y a un renversement de certaines formes, des guerres saintes, des djihads. La dernière guerre sainte, c'est le Troisième Reich, qui voulait faire en sorte de détruire l'animal humain pour privilégier la race aryenne, ça n'a mené à rien d'ailleurs, la race aryenne, de façon à ce que tous ceux qui meurent se réincarnent dans les corps des Allemands, que les autres considéraient comme étant la race aryenne, alors que l'Allemagne ne provient pas de la race aryenne. C'est-à-dire la race aryenne, c'est la première sous-race de la race mère blanche, et eux proviennent de la troisième, certains de la quatrième. Mais c'est pas grave. Et les Juifs, oui. Adolf Hitler étant mi-sang juif, il parlait donc de la race aryenne. Et on a donc fait une guerre sainte. La prochaine guerre sainte est une guerre qui, elle aussi, sera religieuse. On parle de conflit mondial global, les historiens disent que c'est arrivé. Je dis que les historiens se trompent souvent. Alors, bon, peut-être qu'il y a eu un petit rot, puis ça a arrêté là. Peut-être qu'il y a eu un gros pet, ça c'est à voir. Pet nucléaire, en tout cas. Alors, historiquement, c'est ce qui s'est passé, et ça s'est toujours passé au niveau de l'humanité, et pour ce que vous appelez l'avenir, c'est encore la même chose qui se passe. Guerre sainte. Pour que la guerre puisse être sainte, il doit y avoir un petit peuple, comme l'Allemagne était tout petit, qui à un moment donné se lève violemment et conquérit le reste du monde. Pour que cela se fasse, les forces militaires ne doivent pas être trop puissantes. Pour qu'une force militaire ne soit pas puissante, elle doit devenir romaine, c'est-à-dire qu'elle doit être contrôlée par le peuple. Pour être contrôlée par le peuple, il faut que le gouvernement soit un gouvernement démocratique. La démocratie est, le pouvoir de l'involution, c'est-à-dire que c'est la masse, et normalement la masse est ce qui est le moins informé, qui dirige l'évolution d'une nation. Alors que la royauté, le royaume, la monarchie, permet à l'élite de diriger la masse, sauf qu'étant donné que l'élite n'a jamais été jusqu'à date investie d'intelligence, il a toujours dirigé la masse au détriment de la masse, et la masse, elle, dirige toujours dans les pays démocratiques l'élite au détriment de l'élite. Bon, c'est mieux l'élite au détriment de l'élite. Sauf qu'à un moment donné, il y aura une monarchie, parce que l'humain comprendra l'intelligence, donc il y aura une monarchie coordonnateur, pas un monarque ordonnateur. Dans les conditions qui nous intéressent actuellement, l'Union soviétique communiste ainsi que la Chine communiste sont des peuples puissants et les États-Unis d'Amérique sont aussi une population puissante. Sauf que les États-Unis d'Amérique doivent avoir l'autorisation de la nation pour entrer en guerre. C'est d'ailleurs pourquoi, à Pearl Harbor, on a volontairement retenu l'armée et laissé détruire une partie de la flotte pour que les Américains s'écœurent suffisamment pour autoriser l'entrée en guerre du peuple américain contre les Japonais. Puis finalement, évidemment, contre le nazisme. Maintenant, ce qui arrive, c'est que l'URSS, l'Union soviétique, étant un régime militaire, si on pénètre avec un petit avion civil leurs frontières, immédiatement, les avions de chasse peuvent l'abattre, ce qui est déjà arrivé, qu'un avion coréen. Tandis que si un avion russe pénètre les frontières canadiennes ou américaines, il est escorté et renvoyé dehors, ce qui arrive une vingtaine de fois par semaine. Un qu'au Québec, la base de Bagotville, les avions, les vaudous, quand ils ne s'écrasent pas, sont continuellement en train de pousser les avions, les bombardiers, les avions soviétiques à l'extérieur. Donc, on ne peut attaquer la Chine ou attaquer l'Union soviétique ou finalement attaquer les États-Unis si deux forces de militaires sont prêtes à frapper n'importe quand à l'instant où une personne militairement va dire « danger, envoie-moi ça là ». Nécessairement, dans l'évolution de l'humanité actuelle, on doit démocratiser les deux grandes nations pour permettre astralement, donc archangéliquement, à un peuple investi d'un dieu belligérant qui prône que pour gagner le ciel, tu dois mourir sur un champ de bataille en tuant des infidèles. Donc, nécessairement, on doit démocratiser ces deux nations. L'Union soviétique a commencé depuis une trentaine d'années, et ça n'a pas paru, et ça commence à paraître, sa démocratisation, c'est-à-dire qu'on devient de plus en plus démocrate. Alors, à un moment donné, si on veut entrer en guerre contre l'Union soviétique, ça leur prendra beaucoup plus de temps à se mobiliser. La Chine doit aussi vivre une démocratisation. L'Union soviétique, la vie, on a déjà expliqué à un moment donné que pour que monte bénéfiquement un État, il doit y avoir une transposition karmique et un effondrement d'un autre État. Lorsque l'Union soviétique commence à se démocratiser de plus en plus, il y a Tchernobyl dans la région pauvre de l'Union soviétique, et les tremblements de terre un par-dessus l'autre dans les régions pauvres de l'Union soviétique. La Chine aussi doit devenir plus belle, et pour créer un paradis, on doit engendrer un enfer. Alors, la Chine risque de le faire par guerre civile, mais ce n'est pas encore garanti. La Chine a une tendance à se démocratiser. La jeunesse le veut. L'Union soviétique est en train de le faire. Alors, qu'est-ce que ça amène au peuple chinois? Cela va permettre au peuple chinois de devenir militairement plus faible pour permettre finalement à un autre peuple d'engendrer une guerre qui va permettre d'amener une désillusion totale dans la conscience astralisée de l'humain de cette planète. C'est-à-dire que l'humain qui s'en remet à Dieu va voir que Dieu l'abandonne, et l'humain qui s'en remet à la matière va se voir détruit par la matière, ce qui va briser les deux illusions totales de l'humain. La théologie, donc le spiritualisme et le matérialisme, et ceux qui vont rester vont devoir se tourner vers des êtres solides, les aristocrates que certains appellent des guerriers supramentaux, ceux qui présentement se forment à une conscience neuve, qui eux vont être capables de réinstaurer de la matière, du carottissage pour l'ego, de l'intelligentiation pour la conscience, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire de l'humanité jusqu'à date. Mais ces êtres ne détruiront pas l'humanité, comme Adolf Hitler a voulu le faire. L'humanité s'auto-détruira ou mutera d'elle-même. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à devenir intelligent. Bon, il n'y a rien à faire. Tu peux le programmer à faire semblant. Bon, OK. Mais ça, c'est ridicule. L'intelligence ne programme pas à faire semblant. Mais dans les valeurs astrales de l'évolution spirituelle, on veut que le peuple, je te tue ou tu te convertis. Mais si je le convertis par la force, je ne serai jamais un vrai converti. C'est pas grave, l'apparence est là. Mais dans l'intelligence, l'apparence, on s'en fout. Donc l'humain peut muter lui-même, sauf que l'humain ne mutera pas lui-même. L'animal humain n'est pas prêt à cela. Il y a trop d'égo, trop de passé, trop d'ancêtres qui ne veulent pas. Les ancêtres, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on puisse atteindre Dieu. Mais on est rendu à une étape où il y a des cerveaux ici qui vont devenir Dieu. Alors, les promesses des théologies vont bientôt se confirmer. Et les ancêtres ne peuvent pas supporter ça, donc ils manipulent l'humain. Là où on réincarne de moins en moins d'ancêtres, on en réincarne ailleurs. Ailleurs, ce sera ceux qui vont partir les guerres religieuses. Alors, il y a donc une démocratisation de ces deux nations pour qu'à un moment donné, lorsque la guerre va éclater, que ça prenne tellement de temps à la mobilisation militaire des trois grandes puissances que ça puisse s'étendre comme un cancer ou comme un quatrième Reich. Même s'il ne sera pas allemand, ce sera un djihad. Quand tu as une vision cosmique et que tu réalises qu'ici, il s'agit d'un pique-nique, mais que tu as laissé tes sandwichs chez toi, c'est-à-dire d'où tu viens, le pique-nique est moins cosmique. Si ici c'est un pique-nique, qu'est-ce que c'est ailleurs? Est-ce ailleurs la réalité réelle? Non, la réalité réelle, elle est ici comme elle est partout ailleurs. La seule problématique, c'est que notre vision de la réalité d'ici est totalement faussée par la vision de tous nos ancêtres. Qui est réincarné chez nous, nous amène notre psychologie. Ça se réincarne par l'éducation, en plus de la génétique, et ça nous oblige à voir toutes les choses colorées. Tant qu'on reste assujetti à des idées théologiques, à des idées émotivo-spirituelles, c'est-à-dire à une vision émotive de la réalité, on ne peut aimer vivre sur la Terre. Oh, on peut aimer pendant 5-6 ans, omnibuler totalement, puis à un moment donné, il y a un éclatement, puis là, la désillusion totale, la désillusion des dieux. On ne peut aimer vivre, on ne peut vivre sereinement. Oh, on vit sereinement, mais quand on approche de la mort, la sérénité, des fois, elle meurt avant. Bon, alors, l'être humain vit dans un monde d'illusions parce qu'il se fie au passé pour connaître l'actuelle réalité. On ne peut se fier au passé. On doit se fier à ce qui est neuf, pas ce qui est déjà digéré. Ça ressemble plus du tout aux pommes. Parfois, je ressens une pression interne à l'endroit du troisième œil. Qu'est-ce que c'est? Ça doit frapper. Ça va faire une pression interne à l'oreille gauche de celui qui écoute avec son Walkman. C'est un baladeur. Son baladeur, oui. Oui, voilà. Or, je ressens une pression interne à l'endroit du troisième œil. Qu'est-ce que c'est? C'est la glande hypophyse qui travaille. L'individu ici, je ne sais pas. Bon, l'individu est un individu qui présentement vit une guerre entre l'ego et son mental. C'est un individu qui se refuse totalement du point de vue d'un conscientisable. C'est un individu qui le sait et qui ne veut pas le savoir, mais qui le sait pareil, puis qui sait qu'il ne veut pas le savoir, mais qui s'en fout, mais qui sait qu'il s'en fout, mais qui s'en fout pas, mais qui le sait, mais qui s'en fout encore. Alors, il faut que finalement, ça crée des problèmes. Et de temps en temps, il y a une transformation au niveau de la glande hypophyse, le troisième œil, et il y a des choses qui se passent à ce niveau-là. La personne ressent, c'est pas innervé, les vaisseaux sanguins autour sont innervés, la personne ressent des choses qui se passent là. Donc, elle ressent ce qu'elle appelle une pression. Le cerveau décode une pression, mais ce n'est pas une pression. C'est une impression. Pourquoi la création n'est-elle pas accidentelle du point de vue extra-créationnel? Est-ce parce que... Non, simplement parce qu'il n'y a pas de point de vue dans l'extra-créationnalité. Voilà. Ça répond à la question. Est-il possible de vibrer des événements qui... Tout est possible. Ouais. Je commence. Vibrer, je dirais pas, est-il possible? Il est sûrement possible de vibrer des événements qui vont nous arriver dans le futur de façon exacte alors que tous les faits contredisent en apparence cette vibration. L'être humain qui vit de la force spirituelle peut faire des projections astralisées et de temps en temps, il réussit à manipuler légèrement le plan archangélique, c'est-à-dire qu'il doit y avoir, il y a une dose de problème sur le plan planétaire puis une dose de réussite. S'il s'approprie un peu plus de réussite, il transfère sa dose de problème. Bon. Maintenant, l'individu qui se conscientise, qui projette, perd. Par contre, il y a la préscientisation. Ils n'ont pas la projection. Et on en a déjà parlé aussi à un moment donné dans une conférence spéciale. Lorsque l'individu qui se conscientise. J'ai expliqué tout à l'heure que si on est assujetti aux lois des riches, on n'est plus assujetti aux lois des pauvres. Dans la conscientisation, il vient un temps où on est rejeté par les pauvres et on n'est pas accepté par les riches. Un maudit problème. On doit traverser. On essaie de revenir. Les pauvres vont essayer de te récupérer et les riches, eux autres, faudra que tu mérites. Quand je parle de pauvres, c'est pas péjoratif, on parle d'énergie. Pauvre en énergie, riche en énergie. Lorsque la personne voit des événements et tous les contextes actuels font que c'est impossible que ça arrive, il y a des fortes possibilités qu'elle fasse, comme on a vu dans une conférence ou deux, qu'elle ait une préscience, ayant une préscience qui se voit, c'est un point de vue d'un plan où elle va aboutir, et elle va y aboutir. La nuance, c'est qu'étant donné que son ego ne connaît pas Ce n'est pas de la voyance. Son ego ne connaît pas le chemin par lequel elle va y aller. Elle ne peut pas le détruire. Je dis que l'avenir est toujours en mouvement. Fiez-vous pas sur vos égos pour savoir ce qui va vous arriver. L'individu qui, à un moment donné, se voit médecin. C'est crime, je ne suis pas médecin. J'ai pas suivi de cours. Un jour, elle peut être dans une situation où, effectivement, on la prendra pour un médecin. C'est peut-être ça qu'elle a vu. Mais comment arriver là? Il y en a beaucoup qui ne savent même pas comment ils sont arrivés ici. Ouais. Est-ce que le fait d'écouter régulièrement les nouvelles pour me tenir au courant de la politique mondiale peut me rendre plus apocalypsable? Apocalyptisable. Apocalyptisable, effectivement. Oui. Comme ne pas écouter, ça peut vous rendre aussi plus facilement sujet à l'apocalypse. Hein? La journée que les ennemis frappent à votre porte pour vous dire que le pays s'est rendu, c'est bon de lire les journaux puis d'écouter la télévision un peu. Sauf qu'effectivement, d'un contexte, dans un contexte comme de l'autre, le fait d'avoir de l'information, si l'ego s'en empare, s'en accapare même, et nous fait sécréter, c'est effectivement, on vit déjà l'apocalypse. Lorsque l'individu prend l'information dans le but de vérifier simplement son évolution, il n'y a aucun problème. J'ai été plusieurs années à ne jamais écouter des nouvelles. Je connaissais à peine le nom du premier ministre et je m'en portais très bien. Est-ce que c'est trop de se... Est-ce que c'est trop se déconnecter du monde ou si, au contraire, ça permet d'être plus individuel, car de toute façon, une bonne partie de l'information qui nous est communiquée est biaisée et ne reflète pas vraiment la situation planétaire? Je suis quand même manipulé à les écouter. Est-ce une manipulation intelligente ou astrale? Toute forme de manipulation est de toute façon inintelligente. Mais l'intelligence peut vous manipuler. Donc, la personne qui écoute les informations... Une personne qui se conscientise a intérêt à être au courant de l'information, ça va la décollectiviser. Pourquoi? Parce que ça va augmenter sa capacité de s'écœurer. Mais le fait de remarquer, de réaliser justement que l'information est biaisée, c'est déjà... c'est déjà très bon. Un pas en avant. Oui. Mais de toute façon, l'information est biaisée. Même l'événement est biaisé. Alors, achetez-vous l'information. En attendant la fin de l'inutile et le début de l'utile, j'ai décidé d'utiliser ma douche téléphone de la main gauche au lieu de la droite. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Très bonne idée. Mais j'ai inondé la moitié de la chambre de bain. C'est évident. Pourquoi? Parce que présentement, c'est le cerveau infantile. Alors, quand un enfant prend une douche téléphone, qu'est-ce qu'il fait? Il inonde la chambre de bain. Alors, c'est une très bonne idée. Pourquoi? Parce que la s'isométrisant nécessairement, à un moment donné, elle aura deux fois plus vite accès à l'utile. Ou avoir habité un sous-sol. L'expérience qu'il faut faire, comment c'est facile, ça peut aider, ou une piscine. L'expérience qui est facile à faire, c'est que vous prenez votre crayon. Bon, je prends mon crayon, je l'ouvre, j'écris. J'écris quelque chose. Et je regarde l'âge mental de celui qui vient d'écrire. Je change de main. Je prends la main faible, par exemple. J'écris la même chose. Et j'observe l'âge mental de celui qui vient d'écrire et je dis... Il y en a un qui a peut-être une vingtaine d'années, une trentaine d'années, une quarantaine d'années. L'autre a peut-être 7, 8, 9, 10 ans, 6 ans, 4 ans, 3 ans. Alors imaginez que vous avez deux hémisphères cérébraux chez vous. Un a 3, 4, 5, 6 ans. L'autre, l'âge que vous avez. Et vous êtes confiné régulièrement à prendre des décisions amalgamées à un enfant. Alors on n'est jamais sûr, on est insécure, on ne sait pas si on y va, on se trompe toujours. L'isométrisation cérébrale, c'est de faire en sorte que le cerveau infantile, c'est pour ça que la personne téléphone son lavage avec la main gauche maintenant, c'est qu'on développe l'autre hémisphère. Donc, on peut en faire deux adultes. Vous êtes efficace. Bon, multiplié par 4. Parce que quand on double l'efficacité cérébrale, on ne double pas l'efficacité extérieure. On multiplie. Quand je dis 4, c'est 40. Mais si ça vous intéresse, voilà, on s'isométrise. Je connais quelqu'un qui a fait le test que tu mentionnes. Qui écrit de la main droite depuis sa naissance, qui a presque 40 ans, puis il a fait le test pour se rendre compte qu'il écrit mieux de la main gauche. Est-ce que c'est parce que dans les anciennes écoles, on forçait les gens à devenir droitiers, même si c'était sans doute un gaucher. Donc, lui a par contre un avantage déjà indéniable, c'est qu'il a déjà une partie des isométrisations d'accomplie. La nuance, c'est qu'il peut être capable, par exemple, une personne est gaucher au tir à l'arc, droitier au tir au fusil. Ce n'est pas une isométrisation complète. L'isométrisation, c'est que l'individu doit se servir de sa clé de la main gauche pour entrer chez lui, ou de sa main droite s'il est gaucher. Il doit se servir du côté faible. Alors, si je suis droitier, c'est mon hémisphère gauche qui fonctionne bien. Et l'individu qui s'applique à tout faire de l'autre côté, il fait plusieurs choses. Ça fait partie des techniques Menfi. C'est une partie de Jupen, donc justement de la pensée. Donc, c'est de l'isométrisation cérébrale. Mais l'individu fait plusieurs choses. Premièrement, il s'en égoïse. Parce que quand t'es là avec ta crise de clé, puis t'as déjà de la misère de la main droite, t'as la mettre dans le trou, puis là, tu tournes, c'est mauvais bord, puis ça frustre, ça sécrète, observe, respire, t'es un égoïste, tu fais tout ce qu'il faut. En plus, tu t'isométrises. Alors, c'est très, très, très bon. Moi, c'est quand je joue au ping-pong, je joue de la main gauche, et l'individu, il pense bon, puis quand il commence à être assez bon, ben là, je passe à droite. Ça, elle sait que c'est vrai. Ben oui, c'est vrai, on a joué au ping-pong. Le temps voyage à sens unique du passé vers le futur. Si je fais cuire un gâteau, il va du passé, des ingrédients au futur, le gâteau, et jamais ne peut reculer du gâteau aux ingrédients. Jamais. Et c'est que c'est faux, c'est que le temps voyage à l'inverse. Je continue? Oui. Ce faisant, il force l'espace à suivre ce sens unique puisque l'espace-temps est lié ensemble. Pourquoi l'espace-temps a-t-il choisi d'être à sens unique des ingrédients au gâteau et pourquoi n'a-t-il pas réversible du gâteau aux ingrédients? Oui, il n'est pas à sens unique, justement. Oui, je vais t'expliquer. Tu les remets dans un jour, processus inversé, et tu réobtiens de la farine, un œuf et de l'eau. Bon, il n'est pas à sens unique, comme on le pense. Le temps fonctionne de la création vers la destruction. Par contre, le temps fonctionne de la destruction vers la création. Le temps est une illusion. C'est une quantité d'espace. L'espace, une quantité de temps. Mentalement, nous structurons. Et plus nous structurons, plus les choses deviennent ordonnées. Alors que matériellement, les choses ont tendance à se désordonner. L'automobile qu'on a structuré va rouiller et partir. Le gâteau qu'on a créé, qu'on a structuré, si on le laisse là, si on repasse dans 200 ans, ça ressemble à bien plus de farine que d'autres choses. Ah, vous ne retrouverez pas vos œufs et tout ça, je comprends. Pourquoi? Parce que l'œuf est aussi une structuration. Le temps matériel va à l'inverse. Il descend. Lorsque nous regardons les 15,5 ou les 14,5 à 15,5 milliards d'années de l'apparente vie de l'univers, c'est ce qui reste dans l'univers. Ce n'est pas notre passé. Mais mentalement, nous avons l'impression qu'avec le temps, les choses se dégradent. C'est effectivement une évolution temporelle vers l'arrière. Nous avons cette impression de la matière. Dans notre mental, ou même dans la structuration cartésienne, au niveau du cortex, il y a une évolution temporelle dans l'autre sens. Nous ordonnons. Plus nous vieillissons, peut-être, plus le corps se désorganise. Plus notre conscience, notre pensée, notre mental, notre logique, elle s'organise. Et c'est une problématique parce que tant que l'humain n'a pas réussi à faire une fusion entre ce phénomène temporel, tant que l'humain n'a pas une conscience immortelle, une conscience qui échappe au temps, donc une conscience éthérique, une conscience supramentale, qui va en même temps juxtaposer une conscience planétaire, donc une bilocation de conscience, tant que l'humain est assujetti à cette vision duelle de l'évolution du temps, il a une structuration dans l'évolution, dans ce qu'il transmet génétiquement, informativement, donc au niveau scolaire et théologique, et au niveau réincarnationnel, il y a une évolution organisée, et à travers cela se fait dans un contexte qui se désorganise régulièrement. Tant que l'humain reste assujetti à cette dualité au niveau de sa conscience, au niveau de la vision, effectivement, il aura l'impression de l'irréversibilité d'une évolution temporelle dans une direction à sens unique. Mais le temps, ça n'existe pas. Donc, présentement, mentalement, nous allons dans un sens, nous ordonnons, la matière va dans notre sens, elle se désorganise, le chaud se refroidit, l'énergie cinétique devient de l'énergie potentielle à un moment donné, sinon totalement stable. Alors que dans le mental, c'est l'inverse. Plus ça va, plus il y a d'énergie cinétique, plus on a d'idées, plus on veut foncer, comme si on prenait de un pour mettre dans l'autre. C'est ce qu'on fait, sauf que c'est une illusion. C'est mieux que ça ne fonctionne pas, de toute façon, reculons, parce que tu te ramasserais avec une poule dans ton plat. L'œuf redeviendrait la poule. Non, parce qu'il manque tous les autres œufs. Pour faire une poule, tu as juste un œuf. Non, la poule, elle a pondu l'œuf. Elle a pondu combien d'autres œufs? Tu vas refaire la poule à l'inverse. C'est vrai. Voilà. Bon, Daniel, as-tu un avantage à former des gens qui peuvent utiliser le troisième œil? Mon ego, il dit non parce qu'ils vont être capables de savoir si je menteur ou pas. Et l'intelligence, ben, dit oui. Parce que si je suis menteur, mieux vaut que le sache. Les individus qui vont travailler leur troisième œil vont pouvoir servir plusieurs choses. Premièrement, ce que l'humain doit saisir, ce que l'ego doit comprendre, c'est que nous sommes reliés à différents faisceaux d'énergie. Il y a 144 853 faisceaux, on peut dire, primaires. Il y en a des millions, il y en a des milliards réellement primaires, mais je dirais élémentaires, qui relient chaque être humain, et qui relient chaque groupement d'animaux, et qui relient chaque groupement de végétaux, et qui finalement englobe le plan planétaire, la matière tellurique. Il y a 144 853 faisceaux particuliers qui s'effusionnent, qui s'éclatent à travers des milliards d'êtres humains. Chaque être humain est donc relié à une collectivité, une race faissique. Ce n'est pas une race raciale à haïr, mais ce phénomène, à une famille. Et cette famille, ce peuple, cette race se relie jusqu'à temps qu'il frappe un de ces 144 000 faisceaux. Ces 144 853 faisceaux sont reliés à 13 faisceaux. Ces 13 faisceaux, 853 pour un et les autres sur 12 faisceaux, se relient ensemble sur 3 faisceaux, qui se relient sur un faisceau. Donc, moi, je suis relié à différents individus au niveau du faisceau. Ces dans les 853 ou dans les 12 000? Ça me regarde. Maintenant, ces individus, nécessairement, dans leur évolution, auront besoin de trames planétaires comme les miennes. Et ces individus s'ouvrent à une conscience supramentale, une conscience libératrice. Il y a des individus qui ne sont pas reliés au même faisceau que moi. Mais tous les individus auront besoin d'une trame où, à un moment donné, c'est l'intelligence qui va dominer, pas l'intellectuance. Où l'humain sera libéré. Et on pourra en reparler à un moment donné, mais rien qu'en parler, c'est carotisé. L'humain, c'est mieux que tout ce que l'humain peut imaginer comme société utopique. Et ça existe déjà dans l'avenir, mais il faut qu'on se rende là. Alors, lorsque l'individu a accès à un développement du troisième œil à travers la formation que je donne, ben nécessairement, il arrive à comprendre l'intelligence de la patience et de la restructuration dans la matière de son emploi du temps comme de son emploi matériel. Et à un moment donné, effectivement, on a la faculté d'aristocratiser suffisamment l'évolution pour libérer suffisamment d'humains qui, à un moment donné, libéreront suffisamment d'humains. Mercredi prochain, au Holodine Longueuil, que sont devenus les Atlantes? Oui, déjà. Bonne semaine. Alors, on s'amuse en attendant.